de ta main, j'ai vu ta vie entière. Dans le creux de ta main, j'ai suivi le chemin qui mène à ton passé, ces amours éphémères, les regrets qui t'en serrent et te font prisonnière. Dans le creux de ta main, vois comme la vie s'éclaire. Un ami vient vers toi et te prend dans ses bras. Aussitôt le soleil et la joie se réveillent. Dans le creux de ta main, j'ai vu notre destin. Que m'importe ton passé, nous saurons bien l'effacer. À deux, nous pourrons détruire ce qui nous a fait souffrir. Quand je sécherai tes pleurs, te prenant contre mon cœur, et qu'un long chemin d'amour s'ouvrira devant nos jours. Dans le creux de ta main, c'est là que je veux vivre. Je saurai te construire un palais merveilleux où les oiseaux du ciel chanteront notre ivresse, où ma folle tendresse sera ta forteresse. Dans le creux de ta main, vois ma vie qui s'approche. Au plus beau des matins, et pour nous le premier, nous allons être heureux jusqu'à la fin du monde. Le bonheur a tracé.